un mal. Chapitre 10. Il leur laissa prendre une avance. La brouette longeait un chemin uni qui menait à une chaussée. À un détour, celle-ci apparut avec son pavé gris, inégal. La vieille duc avait ôté ses souliers, son pied déchaussé emboîtant mieux le pavé, et elle allait d'un bon train, raidie sous la charge. Il y avait 2 heures de marche de la forêt à la ville. D'abord, la chaussée côtoyait les taillis, puis les taillis s'espaçaient, des champs cultivés s'élargirent de chaque côté, mêlés aux cultures des fermes. Des maisons finissaient par former des villages. On apercevait leurs toits rouges entre les arbres, bien avant d'arriver. Et par-delà les rangées de maisons qui bordaient la route, d'autres maisons, reculées dans la profondeur, prenaient un ton rose pâle demi-effacé par les fumées du matin. Une grande chaleur déjà assourdissait la campagne. Cachapré flânait, entrait dans les cabarets. Debout devant le comptoir, il vidait une chope. Les gens lui demandaient des nouvelles du bois. Il clignait de l'œil. « Vous voudriez savoir de quoi, pas vrai ?»« Eh ben non, le bois, c'est mon affaire. »« Il y en a qui disent que les braconniers font tort au bois. » Il n'y a plus de chevreuils, plus de lapins, plus de faisans. Moi, je vous dis que c'est pas vrai. C'est les gardes qui disent ça pour amuser le monde. D'abord, je m'en fiche des gardes. Je leur dirai ça à eux-mêmes. Qu'ils fassent notre métier, donc, et ils verront s'il n'y a plus de bêtes au bois. Le genièvre le mettant de gaieté, il raconta qu'il avait descendu 2 chevreuils la nuit, et même les chevreuils avaient pris la route de la ville. Ils ne s'en cachaient pas. Au contraire, il faisait le pari d'aller le dire aux gardes si quelqu'un tenait pour une tonne de bière à boire avec les camarades. Il frappait sur les tables de la largeur de ses paumes. Une expression de défi troussait sa lèvre. Il regardait les paysans la tête haute avec son instinct de sauvage indépendance. Finalement, il s'en allait, disant qu'il repasserait payé en revenant de la ville. Il frappait ses poches du plat de la main. « Je serai riche !» La duc et Gadelette, pendant ce temps, arpentaient le long ruban de chaussée. L'enfant haletait. À force de tirer, le rude épiderme de ses mains s'était crevassé. Un peu de sang rougissait la telle. Quant à la vieille, elle avait conservé son large pas égal. Les bretelles entraient dans la peau de son crâne. Elle plissait les yeux, gagnée par un étourdissement. Mais comme la bête à la charrette, elle serait tombée sur ses 2 genoux plutôt que de s'arrêter. Ce groupe farouche traversa les faubourgs. Romiron, le boulanger, habitait une des premières maisons de la ville. Il vit s'arrêter à sa porte la brouette chargée de ramer et descendit. Romiron était un des relais de Cachapré quand il apportait son gibier à la ville. Il y avait un hangar dans la cour. On y débattait les conditions du marché et la nuit, les marchands venaient prendre livraison. Les gens de police ne s'avisaient pas qu'un boulanger se mêla de cacher du gibier. Romiron connaissait la bûcheronne. Ce n'était pas la première fois que Cachapré la chargeait de ses commissions. Il lui fit un signe et alla ouvrir une porte charretière. La vieille, alors, donna une dernière poussée à la brouette. Du bois mort encombrait le hangar. Elle remisa sa charge derrière un tas. Puis, débarrassée enfin, elle s'assit sur un des bras du véhicule. Oh, que temps ! Sa peau couleur de cuir s'était tatouée de plaques livides, à côté d'autres d'un rouge vif. Un tremblement secouait ses mains. Elle s'abattit avec l'éreintement lourd des bœufs, sa chemise trempée collée à ses os, et dessous battait la gorge plate, par saccades. Petite, elle s'était couchée de son long sur l'air froide. Cette fraîcheur calmant la brûlure de ses mains et de ses pieds, elle demeura là, son ventre touchant la terre, la joue contre ses mains, à dormir son somme interrompu de la nuit. Cachapré arriva avec un marchand. Ils enlevèrent les ramées. « Pèse ça !» dit Cachapré au marchand en lui passant le chevrotin. Puis, en levant la seconde couche de branches et tirant à lui le brocart, il reprit. « Est-ce ici donc ? Si j'avais écouté mon sentiment, vrai, je l'aurais laissé dans le bois. Un amour de bête, et qui n'a pas sa pareille. Regarde son museau. Y en a-t-il beaucoup qui t'apportent de la marchandise comme ça ? Tiens, Bayol, ça m'émeut de le voir coucher là. Une si belle pièce. M'en faut des deux, 50 francs et 20 avec. Ou rien de fait. Je repars, je reporte mon chevreuil avec moi. J'aime mon métier, moi. Je suis pas un boucher, nom de Dieu. » Il s'attendrissait sur sa chasse. Il se trouvait bien bon de penser au marchand par ce beau soleil. Il y avait 3 nuits qu'il était à l'affût de son brocard. Il avait failli être pincé par les gardes et d'autres choses semblables. Puis, il s'emporta contre les gens qui ne savent pas reconnaître une pièce rare d'une pièce ordinaire. Sa voix eut même à cet instant un tremblement d'indignation. Et tout à coup, il poussa le coude à Bayol, lui reparla de son prix. Bayol était en veste de toile blanche, un large tablier blanc pendait le long des cuisses. Il avait un magasin de gibier à chalander dans une rue voisine. C'était un petit homme court et gras, la figure pâle, avec des joues glabres reposant sur son col de chemise. Il se balançait devant Cachapré, les yeux tournés du côté des chevreuils, ses mains dans les poches, le laissant dire. « Eh ben quoi ? Combien ?» répéta le braconnier. À la fin, il se décida. Il haussait les épaules, plissait la bouche avec indifférence. « Pour ce que ça vaut, dit-il, 40 francs, c'est un bon prix. » Alors l'autre s'en coléra pour de bon. « 40 francs ? Tu rirais toute ta vie. T'as donc pas le cœur au ventre que tu m'offres 40 francs. Et pourquoi ? Pour 2 pièces dont on me dirait partout que ça me fait honneur. » Et il ajouta, « Bayol, t'es mon ami, n'est-ce pas ? Eh ben, si tu l'étais pas, vrai comme je suis ici, on verrait ce qui en retourne. » Puis se radoucissant, « Non, vrai, là, je perdrais au-dessous de 50. » Bayol finit par lui bailler 9 écus de 5 francs. Mais c'était bien parce que c'était lui. Cela sortait de ses prix. On gâtait les gens à leur payer trop cher la marchandise. Et Cachapré le poussait de petits coups d'épaule, lui riait dans le cou, répétant « Tu sais bien que non, menteux !» Bayol le mena à sa boutique. Une grosse femme en manches blanches, le nez troussé, rose et fraîche, s'étalait au comptoir dans l'odeur des jambonneaux. Cachapré tira d'un geste brusque sa casquette. « Excusez, Mame Bayol, je suis mis comme à l'ordinaire, j'ai ma veste de travail. Les bêtes, voyez-vous, ils aiment pas qu'on soit habillés comme des monsieur. » Il frottait ses gros souliers poissés de terre au paillasson sans voir qu'il éraillait la paille. Un large sourire aimable lui fendait les joues. Il y avait dans ce sourire une intention manifeste de se gagner les bonnes grâces de Madame Bayol. Et celle-ci le regardait avec la bonne humeur de ses yeux clairs à demi noyés sous la chair. À la fin, il entra, passa dans l'arrière-boutique, et là, se carra sur une chaise avec l'importance d'un homme bien accueilli. « Bayol, fit-il, t'es un homme. Vrai comme il y a un Dieu, tu serais pas un homme que je te le dirais. » Il s'allongea, se mit à l'aise. Le marchand lui compta l'argent, écu par écu. Il se leva alors et secoua la main de Bayol énergiquement. « Si Mame Bayol et les petits ont une fois l'idée de venir, fit-il, on les mènera tuer des lapins. Elle a l'air d'une bonne femme, ta femme. Tu lui diras ça, Mame Bayol, avec mes compliments. » C'était à peu près la même scène chaque fois qu'il arrivait. Cachapré sortit, il avait laissé la bûcheronne chez Romiron. Il voulut absolument la promener en ville, elle et la petite. « T'faut-y un chapeau, une robe ? T'as qu'à parler, j'ai de quoi ?» Elle haussait les épaules. Il les mena dans une gargote. Il commandait en maître, frappait du poing sur les tables, gourmandait le garçon, étalé de toute sa largeur. Il fit apporter du bœuf et à lui seul l'empaille une bouteille de vin. Puis il en demanda une seconde. Gadelette n'en avait jamais bu. Deux verres la grisèrent. Elle eut alors une quinte de rire qui ne finissait pas et qui fit éclater sa large hilarité d'homme. Dans l'après-midi, la duc alla prendre la brouette chez Romiron. Le repas de la gargote lui avait fait une ample provision de force. Une allégresse de vin déridait son visage sévère et elle allongeait son pas.